Ajahn Chah. Le confort ternit l'esprit. Parfois, vous avez le sentiment qu'il vous est pénible de vivre à la maison, mais quand vous partez, au bout de quelque temps, vous en avez la nostalgie. Que faire ? Les êtres humains sont bizarres, n'est-ce pas ? C'est seulement parce que, quand vous allez quelque part, vous n'arrivez pas à trouver le point de totale satisfaction. Votre pensée n'arrive pas jusque-là. C'est ce que le Bouddha a appelé le cycle. Ainsi, vous arrivez à ce monastère pour suivre une formation, pour faire quelque chose qui vaille la peine, mais vous ne vous sentez pas comme à la maison. Pour vous, aucun endroit ne peut être aussi agréable et plaisant que votre maison, de sorte que vous ne cessez d'y penser. Cela signifie que vous n'en avez pas encore fini avec la dualité du bien et du mal. Vous faites encore les choses à la manière du monde, donc ce n'est pas fini. Si vous ne les avez pas posées, c'est que vous en portez encore le fardeau et, portant ce fardeau, vous en sentez le poids et vous voyez que quelque chose ne va pas. Cela revient à pratiquer la patience et la persévérance. Ce n'est pas si terrible. On dit que la patience est la mère de tout le Dhamma. Elle donne de bons résultats, mais ensuite, quand les bons résultats arrivent, ils peuvent très bien nous leurrer. C'est étrange, n'est-ce pas ? Nous devrions être capables de tirer une leçon de tout cela. Tout va bien, mais nous sommes mystifiés et nous souffrons encore plus. Le bien et le mal, l'attirance et l'aversion, ne connaissent pas la transcendance. Ils restent toujours confinés dans leurs propres limites. Nous devrions vraiment réfléchir au Dhamma et l'assimiler pour qu'il nous aide à résoudre ces questions. Si nous souffrons, nous espérons que quelqu'un va venir nous sortir de là, mais personne ne peut le faire à notre place. Tout ce que l'autre pourra faire, c'est expliquer le chemin à suivre pour se libérer de la souffrance. Quant à vraiment mettre fin à cette souffrance, vous seul pourrez le faire. Le Bouddha a dit : le Tathagata ne peut que montrer le chemin. Note de l'auteur. Tathagata est le nom que le Bouddha utilisait pour se désigner lui-même et qui signifie « celui qui est arrivé au-delà ». Fin de la note. Donc le Bouddha vous dit de prendre ceci et de le mettre là, de prendre cela et de le mettre ici. Il vous apprend à nager. Mais il ne nage pas à votre place. Si vous voulez que le Tathagata nage à votre place, vous pouvez vous préparer à couler. L'année dernière, de hauts fonctionnaires se sont réunis ici pour connaître la voie juste. Pourquoi ? Parce que les choses n'allaient pas bien et ils n'en étaient pas très fiers. Alors ils sont venus ici apprendre ce qu'est la compréhension juste. En général, les gens ne comprennent pas qu'il faille dépasser leur sentiment de satisfaction quand tout semble aller bien, et leur souffrance quand les choses tournent mal. Le monde est ainsi. Face à la souffrance que nous créons, à ce poids, nous devons avoir de la patience et de l'endurance. Nous savons que certaines choses sont lourdes, mais, poussés par le désir, nous nous en saisissons. Ensuite, elles vont nous peser. Alors, nous devrons vraiment faire preuve d'endurance. Lorsque vous étiez écolier, vous voyiez des adultes et vous pensiez qu'ils avaient bien de la chance. Vous les voyiez faire toutes sortes de choses. Il y avait des enseignants, des marchands, des chefs d'entreprise et des fonctionnaires, et vous vouliez leur ressembler. Vous avez donc étudié dans l'espoir de devenir comme eux. Mais maintenant que vous êtes dans cette position, vous n'êtes pas tellement heureux, n'est-ce pas? La souffrance et les difficultés sont toujours là. Vous n'avez pas échappé au sentiment d'insatisfaction. Vous n'y avez pas échappé à ce jour et vous ne savez pas vraiment si vous pourrez y échapper à l'avenir. Les choses deviennent toujours plus lourdes au fil du temps. On appelle cela le monde. Le monde, ou loko en pali, c'est l'obscurité. Si le monde progresse et se développe, l'obscurité se développe dans les mêmes proportions. Le progrès du monde est le progrès de l'obscurité. Les gens parlent avec enthousiasme des avancées du monde, mais ce n'est que l'obscurité qui s'étend. Autrefois, dans notre monastère, nous n'avions pas d'électricité et il fallait chercher l'eau au puits. Les gens disaient « C'est vraiment sombre ici, comme ce serait bien d'avoir l'électricité et d'avoir l'eau courante. » Mais ces choses n'apparaissent pas spontanément. Elles impliquent un investissement financier considérable et sont difficiles à obtenir. Plus tard, les belles lumières électriques sont arrivées, mais l'esprit des gens s'est obscurci encore plus. Le confort ternit l'esprit parce qu'il est dans notre nature de toujours rechercher la facilité. Plus les choses sont faciles et confortables, plus les gens deviennent paresseux. Dans le passé, quand le pays n'était pas matériellement développé, les gens construisaient leurs toilettes loin dans la forêt et ils devaient faire un effort pour marcher jusque-là et les utiliser. Aujourd'hui, ce serait impossible. Les gens refusent de sortir. Ils veulent qu'il y ait des toilettes près de leur chambre. Je ne comprends pas. Cela leur apporte-t-il vraiment du bien-être? La chambre et les toilettes sont tout près et les gens croient que cela va leur apporter confort et bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Trop de confort entraîne un manque d'attention. Et les gens veulent aller toujours plus loin dans ce sens. Pourtant, ils ne sont jamais satisfaits. Ce n'est jamais assez. Et ensuite, ils se plaignent de leur souffrance. Quant à la façon dont nous utilisons nos ressources, la plupart du temps nous estimons que nous n'avons pas assez d'argent pour nous en sortir et nous nous demandons quoi faire pour en gagner plus. Il me semble, à moi, qu'il y a beaucoup d'argent mais que ce n'est jamais assez. Voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas de gens riches. En tout cas, je n'en ai jamais rencontré. Je ne vois que des gens qui ont le sentiment de ne pas avoir assez. Le Bouddha a parlé de la façon de gagner et de dépenser l'argent. Le gagner n'est pas tellement difficile. Ce qui est vraiment important, c'est la façon dont nous l'utilisons. Vous devez gagner votre vie avec des moyens d'existence justes. Cet argent, une fois obtenu, il faut l'utiliser au mieux et en conserver un peu pour de justes causes. Quelles que soient les choses dont vous avez besoin, ne tombez pas dans les excès. Le Bouddha a beaucoup parlé de cela, mais nous n'en tenons pas compte. Si nous voyons que les autres ont quelque chose, nous voulons l'avoir aussi, et nous sommes prêts à dépenser tout ce que nous avons pour l'obtenir. Nous parlons de souffrance, mais qui l'a créée? Cela, nous ne le voyons pas. Nous disons que nous souffrons pour telle ou telle raison, mais nous ne mettons jamais le doigt sur la cause originelle. La racine est ici même, mais nous la cherchons partout. Nous blâmons les gens et les situations, et tout se brouille, de sorte que nous n'arrivons jamais à y voir clair. Nous nous contentons de regarder à l'extérieur de nous et essayons toujours de manipuler les situations. Vous êtes pourtant capable de regarder autour de vous et de voir quand la maison n'est pas propre ou que la vaisselle n'est pas lavée. Vous pouvez nettoyer tout cela. Ensuite, la maison est propre, la vaisselle est faite, mais votre esprit n'est toujours pas propre. Quand la maison est en désordre, vous n'êtes pas à l'aise et vous vous lancez dans un grand ménage. Mais quand l'esprit est sombre et déplaisant, vous ne regardez pas en vous, de sorte que vous vous lamentez indéfiniment sur votre terrible souffrance. Quand on y pense, c'est un comportement vraiment désolant. Si nous pouvions faire l'effort de nettoyer notre esprit comme nous balayons notre maison, comme nous lavons et frottons nos vêtements, comme nous faisons la vaisselle, nous nous sentirions certainement bien. Mais quand on parle de ce genre de ménage, les gens ne comprennent pas de quoi il s'agit. C'est comme être indifférent au fait que la vaisselle soit propre ou sale, une sorte d'indifférence due à l'ignorance. Nous devons nous mettre au travail et nettoyer, sinon nous n'atteindrons jamais le point juste et l'esprit restera dans cet état de saleté et d'ignorance. Le Bouddha s'est exprimé à ce sujet. Il a dit qu'un esprit non entraîné ne fait pas l'effort de voir les choses clairement, qu'il se contente de suivre ses préférences et ses tendances. Dans notre patois, nous dirions « suivre ses humeurs ». Observez bien. Dans notre propre famille, un jour nous ressentons de l'amour pour nos enfants et le lendemain, ils nous exaspèrent. Pourquoi ? Pourquoi nos sentiments ne sont-ils pas plus stables ? Parce que l'esprit n'a pas été entraîné. L'attachement est cause de l'apparition de la souffrance. L'aversion est cause de l'apparition de la souffrance. Trop peu, nous souffrons. Trop, nous souffrons. Où pouvons-nous nous poser ? Avez-vous déjà trouvé votre place, l'endroit juste où vous vous posez ? Combien de mois et d'années se sont écoulés pendant lesquels vous auriez dû chercher et construire ce lieu, en vous, où vous pouvez être en paix? Mais vous êtes encore dans cet état d'insatisfaction et de souffrance. Pour quelle raison? Un mari et une femme vivent ensemble. Il n'y a aucune raison pour qu'ils se disputent, et pourtant, c'est bien ce qu'ils font. Au point parfois que l'un d'eux se lève et s'en aille au beau milieu de la nuit, même si, en général, il ou elle est de retour le lendemain. C'est vraiment pénible. J'en suis arrivé à penser que c'est parce que les gens ne cherchent pas l'endroit où se poser véritablement en eux-mêmes. Nous ne faisons pas le ménage là où ce serait le plus nécessaire. Nous balayons et nous frottons ailleurs. Et comme notre esprit n'est ni propre ni clair, il y a toujours de la confusion. Nous regardons toujours vers l'extérieur. Or, l'enseignement du Bouddha nous apprend à nous tourner vers l'intérieur pour observer l'esprit, pour voir ce qu'il contient. De nos jours, on ne fait que forcer les choses et se hâter. Les mangues, par exemple, ne sont plus douces parce qu'elles ont été forcées. On les ramasse avant qu'elles ne soient mûres et on les fait mûrir artificiellement parce que les gens veulent les avoir très vite. Alors, quand on les mange, on s'aperçoit qu'elles sont amères. Tout cela pour essayer de répondre aux désirs des gens, pour tout obtenir très vite. Mais pour avoir quelque chose de bon, de doux, vous devez lui laisser le temps d'être d'abord amer, selon sa nature. Mais non, nous ramassons les mangues trop tôt et ensuite nous nous plaignons qu'elles sont amères. La plupart des choses sont des imitations. Nous nous saisissons de ces choses qui sont fausses et incertaines en croyant qu'elles sont vraies. Le Bouddha voulait que nous voyions ce qui n'est pas faux, ce qui est authentique. Mais de nos jours, la compréhension est presque complètement erronée. Les gens n'ont pas la moindre idée de ce qui est vrai ou faux et, dans ce cas, toutes sortes de perceptions peuvent surgir. On prend ce qui est faux et fabriqué pour la réalité. C'est précisément pour cela que le Bouddha a enseigné qu'il fallait se tourner vers l'intérieur pour regarder ce qui est réellement. si l'esprit ne voit pas et ne comprend pas la réalité en profondeur, il n'existe aucun chemin vers la clarté. Le Bouddha a dit qu'une personne qui enseigne le Dhamma, comme moi, peut devenir un fantôme affamé, un type raffiné de fantôme affamé. Comment est-ce possible? Il y a une histoire que j'aimerais raconter, une fable qui vaut la peine d'être narrée, même si elle est un peu longue. C'est l'histoire d'un homme dont l'esprit était très vertueux. Si quelque chose était méritoire et juste, il s'efforçait de le faire. Tout ce qu'il faisait était raffiné, à la limite du pointilleux. Tout devait être net et à sa place. Lorsque ses enfants ou ses neveux venaient lui rendre visite, il était un peu chagriné. Le balai qui aurait dû être ici se retrouvait là. La bouilloire n'était pas remise où elle était censée être. Si les gens ne faisaient pas les choses à sa manière, il souffrait. Mais c'était quelqu'un de fin, à l'esprit bon et ordonné. Un jour, il envisagea de construire un pavillon dans la forêt, une salle de méditation où les gens pourraient se réfugier. Alors il se dit « construire une salle de méditation ici serait une bonne chose. Cela ferait grandir le mérite. Les marchands et les voyageurs pourraient s'y arrêter et s'y reposer. Ils y seraient bien et apprécieraient grandement ce lieu. » Il se lança donc dans cette construction et les gens l'utilisèrent. Quelque temps plus tard, il mourut, et du fait de son attachement à cette action vertueuse, sa conscience retourna résider dans ce lieu qu'il avait construit et où il avait lui-même vécu vertueusement. Il vérifiait l'état de la salle de méditation pour voir si elle était bien entretenue. Quand il trouvait des endroits négligés, il en était perturbé, et quand il voyait que tout était net et propre, il était heureux, parce que son esprit était ainsi, vertueux, net et ordonné. Et puis un jour, plusieurs centaines de marchands vinrent séjourner là. Après dîner, ils s'endormirent, couchés en longues rangées. L'ancien propriétaire du lieu, ce fantôme affamé, raffiné, vint vérifier s'ils étaient allongés correctement. En passant près d'eux, de long en large et en y regardant de près, il remarqua que les têtes n'étaient pas bien alignées. Que faire? Après réflexion, il tira les pieds des marchands pour que les têtes soient toutes au même niveau. Il continua ainsi d'une rangée à l'autre jusqu'à les voir tous alignés comme il faut. Mais ensuite, il regarda leurs pieds. Et maintenant, c'était les pieds qui n'étaient plus alignés. Que faire cette fois? Il se mit à tirer les têtes pour que les pieds s'alignent. Cela fait, il s'aperçut que les têtes étaient à nouveau décalées. Mais que signifie tout cela? S'étonna-t-il. Il continua à réaligner têtes et pieds toute la nuit, très perturbé, pour finalement abandonner en se demandant quelle était la raison de cette situation. Il s'assit, réfléchit et eut une illumination. Les gens sont tous différents, leur taille diffère, de sorte qu'ils ne peuvent pas être alignés tout droit. Il put enfin lâcher toute cette histoire en voyant que certains sont petits et d'autres grands. C'est simplement ainsi que sont les choses. Il a lâché prise et il s'est senti mieux en comprenant que les gens ne sont pas tous pareils. Avant, il s'était attendu à ce qu'ils soient tous semblables. En constatant qu'ils ne l'étaient pas, il avait essayé de les réajuster, mais c'était impossible et cela l'avait fait souffrir. Et puis il s'est posé, il a contemplé la situation, il a vu la vérité et s'est dit « Ah, les gens sont différents les uns des autres, ils n'ont pas tous la même taille. » Et il s'est senti mieux. Il en va de même pour nous. Nous devons voir la cause des choses qui nous perturbent. Nous devons voir que les gens ne sont pas tous les mêmes. Voilà quelque chose qui vaut la peine d'être médité parce qu'il y a certaines choses que nous ne pouvons pas changer. On ne va pas couper des jambes pour les mettre toutes à la même longueur. Se saisir d'idées préconçues nous bloque dans des attachements et des attentes. En tant qu'être humain, nous sommes ainsi. Nous avons des responsabilités et des métiers différents. Certaines personnes sont rapides et efficaces, d'autres sont lentes. Il y a toutes sortes de différences entre nous. Il est facile de devenir un esprit affamé si nous ne comprenons pas cela de manière juste. Il m'arrive à moi aussi de devenir un fantôme affamé dans certaines situations. J'ai des disciples et je veux qu'ils s'améliorent, qu'ils grandissent en suivant notre mode d'entraînement. Et parfois, je souffre de mes attentes. Quand cela se produit, je m'en rends compte rapidement et je me réprimande en me disant « Attention, tu es en train de devenir un fantôme affamé. Arrête ça tout de suite. » Je me fais souvent la leçon comme cela. Voilà comment nous pouvons souvent naître en tant que fantômes affamés. Nous n'abandonnons pas facilement. Nous devons développer notre capacité à comprendre les choses, à savoir ce qui les a causées et ce qui en résulte. Nous pourrons alors laisser les gens être comme ils sont et faire comme ils font. Nous lâchons prise et nous nous sentons plus légers. Nous aimerions peut-être qu'ils soient autrement, mais le problème ne vient pas d'eux, il vient de nous. Notre esprit est obscurci, de sorte que nous croyons que le problème vient de telle ou telle personne, mais ce n'est pas le cas. Il vient de nous. Les gens ne sont pas tous pareils, or nous voulons qu'ils le soient. Si nous faisons évoluer notre façon de voir les choses, le problème sera résolu et nous irons très bien. Prenez une personne sur une moto qui perd le contrôle et fait une chute. Il dira « La moto m'a fait tomber ». Mais en réalité, c'est lui qui a fait tomber la moto parce qu'il ne l'a pas bien dirigée. Mais il dit le contraire. Je vais résumer cela. La situation est différente pour les adultes et les enfants. Si un enfant se comporte mal, on peut lui pardonner parce qu'il n'est pas complètement conscient de ce qu'il fait. Si un adulte fait des erreurs, les gens ne veulent pas lui pardonner parce qu'ils estiment qu'il aurait dû savoir ce qu'il faisait. Le Bouddha a dit que celui qui ne fait pas la différence entre ce qui est juste et ce qui ne l'est pas peut être éduqué. Mais celui qui connaît la différence et n'agit pas en conséquence est un cas désespéré. Cette personne est dite « négligente » et on ne peut pas vraiment lui enseigner quoi que ce soit. Les gens sont malheureux simplement parce qu'ils ne regardent pas en eux-mêmes. Nous avons toujours les yeux tournés vers d'autres choses, d'autres personnes. Nous cherchons à l'extérieur ce qui va nous plaire. Nous essayons de rendre les apparences agréables. Nous ne creusons jamais en profondeur. Nous ne travaillons jamais sur nous-mêmes pour que tout soit clair et lumineux en nous. Le résultat inévitable est que nous sommes constamment dans les difficultés et la confusion. Où que nous regardions, nous sommes entourés par l'obscurité. Pourquoi ? Parce que nos yeux ne voient pas clair. Nous nous plaignons de l'obscurité, nous ne voyons ni lumière ni couleur, alors nous disons qu'elle n'existe sûrement pas. Et c'est vrai, pour les aveugles. En vérité, nous sommes malheureux pour rien. Le problème est dans nos yeux, dans le regard que nous posons sur les choses. Nous ne voyons rien avec clarté, ni lumière, ni couleur. Mais avec de bons yeux, ces choses-là apparaîtront et nous saurons ce qu'elles sont. Nous n'examinons pas vraiment ce problème. En général, nous préférons regarder ailleurs et, Par conséquent, nous ne sommes pas heureux. Nous devrions apprendre à apporter de la joie dans notre vie. Il y a vraiment des choses qui peuvent faire surgir cette joie.